Bonjour tout le monde, ce sont des questions orales pour le texte boutique de commerçants et galeries marchandes. Remember, these questions are very simple. The purpose of these questions is for you to rephrase what you have read and learned in your own words. So here are a few questions. Let's see if you can do well on this. 1. Comment sont les boutiques des commerçants? Comment sont les boutiques des commerçants? 2. Qu'est-ce qu'il y a dans les façades, dans les vitrines des magasins? 3. Qu'est-ce que certaines rues regroupent? Au XVIIIe siècle, où sont les divers commerces? Au XVIIIe siècle, qu'est-ce qui ouvre ses portes à Paris? Last question for this text. Qu'est-ce que la galerie Vivienne? Hopefully you've answered all of these questions well. I will see you tomorrow with the answers. À demain!